partir. N'essayez pas de me retenir. Je suis comme cette souris qui cherche la sortie et qui sans y parvenir se heurte aux choses de la vie, de la vie. Me laissant parcourir seul le chemin de l'oubli.